j'ai pas commencé à pas préparer d'introduction parce que j'étais sûr que je pouvais bien rebondir sur les perspectives mondiales. Mais je pense qu'on sait tous, et également Dersou l'a déjà mentionné, qu'actuellement on est dans une phase extrêmement intéressante. On a vu plein de mouvements de masse avec une tendance révolutionnaire, insurrectionnelle, à niveau mondial, dans toute une série de pays, en Amérique latine, au Liban, au Irak, et également on a vu le grand mouvement des Gilets jaunes en France, et maintenant ce mouvement de grève reconductible en France. Donc je pense que ce sont des phases, des temps extrêmement intéressants, où la principale caractéristique qu'on voit, c'est que ces mouvements sont plus ou moins spontanées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment... ce ne sont pas des mouvements qui sont planifiés avec une grande stratégie, avec un plan dès le début, mais qu'ils surgissent provoqués par les conditions actuelles générales. Les conditions actuelles générales, un peu le fond de tous ces mouvements, c'est la crise du capitalisme à niveau mondial. Je pense que ça, c'est important de le comprendre, et ça, c'est également quelque chose qu'on va encore bien discuter cet après-midi dans les perspectives mondiales. La deuxième caractéristique qui est commune à tous ces mouvements, c'est pas seulement la spontanéité, mais c'est également la grande absence de direction. Je pense que ça, on l'a déjà mentionné dans beaucoup de discussions dans notre organisation. C'est ce qu'on voit dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, mais également en Amérique latine, dans ces mouvements, que ces mouvements spontanés surgissent. Mais il n'y a pas vraiment un parti qui dirige, qui peut donner une perspective de lutte, qui peut proposer un programme, comment suivre, comment aller de l'avant. Et ça, c'est en fait pas vraiment un problème nouveau. Trotsky, il disait déjà en 1938, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'actuellement, les conditions objectives pour une révolution sont déjà là, sont en fait mûres, et il faut faire la révolution, mais que la crise de l'humanité, c'est la crise de la direction du prolétariat. Et comme vous le savez, c'est cette crise de l'humanité, avec la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité est vraiment tombée dans cette catastrophe, dans cette crise. Et je pense que même si actuellement ce n'est pas la perspective d'une Troisième Guerre mondiale, on voit très bien qu'on a une crise de l'humanité, et la raison principale, c'est la crise de direction du prolétariat. Donc, je pense que ça, c'est le sujet de cette discussion. On peut constater qu'actuellement, les conditions objectives pour les luttes, également pour des mouvements révolutionnaires, sont là. Le capitalisme est dans un impasse, provoque de la résistance partout dans le monde, mais on a une absence de direction qui sait quoi faire et comment aller de l'avant. Pour nous, pour les marxistes, pour qu'un mouvement puisse avoir du succès, pour qu'une révolution puisse avoir du succès, il faut les deux choses. Il faut la spontanéité des masses, le mouvement de masse, mais il faut également une direction marxiste. Ça, c'est le sujet de cette discussion, ce rapport entre la spontanéité et la direction, et surtout avec la direction marxiste, un parti révolutionnaire, un parti d'avant-garde marxiste. Donc, pourquoi faut-il un parti révolutionnaire? Pourquoi ce parti doit être marxiste? Et quel est le rapport entre ce parti et les masses? Ce sont les questions auxquelles j'aimerais essayer de répondre, mais c'est clair que je ne vais pas réussir à tout faire dans cette présentation, et je me réjouis à la discussion où on peut encore ajouter plein de trucs et pour répondre à ces questions. La nécessité du parti révolutionnaire est directement liée au développement de la conscience de classe. Et on va le voir pendant cette présentation, que finalement la question de la conscience est au centre de toute la présentation. Pour les marxistes, c'est clair que on vit dans une société de classes. Les classes existent objectivement, si on le veut ou pas, c'est indépendant de notre volonté. Et le prolétariat, c'est une classe qui existe objectivement. Ça veut dire qu'il y a une classe qui doit chaque jour travailler pour survivre, vendre sa force de travail à un capitaliste pour pouvoir survivre. Et ça, c'est, comme je dis, c'est une classe objective. Les membres de cette classe, ils partagent tous les mêmes ou la même caractéristique commune, qu'ils ont la même position dans le système capitaliste, qu'ils doivent travailler pour gagner ou pour pouvoir survivre. Et de ça découle également des intérêts de classe communes. Donc, vous savez que les prolétaires ont des intérêts opposés aux capitalistes, parce que finalement, ce sont les capitalistes qui tirent le profit de l'exploitation des prolétaires. Mais si on dit que ces classes objectives, elles existent indépendamment de la volonté des membres de ces classes, ça ne veut pas dire justement que les membres de cette classe en sont conscients. Ça, c'est la différence, comme le disait Marx, entre la classe objective et la classe subjective, on peut dire, ou la classe en soi. Dans des phases normales du développement du capitalisme, il n'y a pas la classe révolutionnaire ou la classe, plutôt la classe prolétaire, n'a pas de conscience révolutionnaire. Dans cette situation, en disant normale, la classe est dispersée, est atomisée, et dans un état plutôt passif que actif. Ça veut également dire que la conscience ordinaire, si on n'est pas dans une situation directement révolutionnaire, la classe prolétaire a une conscience plutôt réformiste que révolutionnaire. C'est assez facile de comprendre ça, parce que finalement, dans le système capitaliste, on est tous des individus qui sont séparés, qui sont soumis à la concurrence dans le système capitaliste, et qui doivent vendre eux-mêmes leur force de travail, et qui ne forment pas une unité commune. Donc ce sont des individus isolés, atomisés. Et du point de vue d'un individu isolé, c'est assez difficile de pouvoir changer le monde, parce qu'on n'a pas la force de changer quelque chose. Pour pouvoir changer quelque chose, il faut s'unir, il faut se mettre ensemble, il faut développer une conscience commune. Et dans cette phase de passivité, quand la classe ouvrière, le prolétariat, n'entre pas activement en lutte ensemble et reste dans une situation isolée, c'est clair que des idéologies ou les idées de la classe dominante ou la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie peuvent tomber sur un terrain fertile, notamment des questions comme l'individualisme, la pensée individualiste bourgeoise, parce que ça correspond, comme j'ai déjà dit, à cette isolation, atomisation de la classe ouvrière. Mais cette situation de passivité où la classe reste est isolée n'est pas quelque chose d'absolu ou d'éternel, mais ça change avec la lutte de classe. Dans la lutte de classe, le prolétariat développe ses propres organisations pour défendre leurs intérêts communs, mais également elle a besoin de ses propres organisations pour les défendre, mais elle a également besoin de ses propres idées qui sont indépendantes des idées de l'idéologie dominante de la classe bourgeoise. Donc, ça, c'est quelque chose de très fondamental. Il faut l'autonomie de la classe ouvrière dans l'organisation. Il faut que la classe ouvrière ait ses propres organisations et qu'il y ait l'autonomie des idées ou de la conscience de la classe ouvrière. Donc, il faut ou en d'autres termes, développer la conscience de classe, ça veut dire se différencier, se distinguer de l'idéologie dominante, des idées de la classe bourgeoise. Et ce processus de se distinguer des idées bourgeoises, justement, c'est la prise de conscience et le processus d'organisation du prolétariat. Comme j'ai déjà dit, cette prise de conscience et l'entrée en activité de la classe ouvrière ne se font pas dans une situation statique qui reste éternellement la même chose, mais les conditions objectives qui déterminent la conscience, elles changent. Et sans une compréhension de ces changements, on ne peut pas comprendre les changements dans la conscience de la classe ouvrière. Et les conditions objectives ou les raisons pourquoi ça change, c'est parce que le capitalisme, ce n'est pas juste un système éternel, stable, qui tend vers l'équilibre vers l'équilibre, vers un état où tout est bien balancé, comme certains économistes bourgeois le pensent. Mais pour les marxistes, c'est clair que c'est le contraire. Le capitalisme, c'est un système avec des contradictions inhérentes, ça veut dire des contradictions qui s'accumulent et qui provoquent de plus en plus d'instabilité dans ce système. Ça veut également dire que ce système n'est pas éternel, mais que c'est un système historique qui a ses propres limites. Et cette tendance, ces contradictions, je pense que le plus important, même si je ne vais pas entrer en détail, c'est la tendance du capitalisme à la crise. Périodiquement, le capitalisme entre en crise. Et également, à niveau plus large, dans le développement du capitalisme, on voit que la crise du capitalisme comme système même s'accentue de plus en plus. Et tout ce processus, ce processus dans la base économique, ça provoque également des changements dans la conscience. Ça veut dire que la classe bourgeoise, avec ses idées dominantes, perd de plus en plus de légitimité si elle n'arrive plus à satisfaire les principaux besoins de la classe ouvrière. Actuellement, c'est exactement ça ce qu'on est en train de voir. On a une crise du capitalisme. On voit que la classe bourgeoise est forcée. C'est pas juste parce qu'elle est méchante. La classe bourgeoise, elle est forcée d'attaquer la classe ouvrière de plus en plus pour sauver ses profits. Et dans ce processus, c'est clair que si on attaque de plus en plus la classe ouvrière, c'est clair que ça commence à bouger dans la tête des gens, que la conscience commence à changer. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un développement linéaire, qu'avec toutes les attaques de la classe bourgeoise, avec chaque attaque, la conscience de classe du prolétariat augmente un petit peu. Ça se passe plutôt comme Trotsky le décrivait, comme un processus moléculaire de la révolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous la superficie, sous le terrain, il y a des changements qui se font qu'on ne le voit pas au premier coup. Ce sont des changements où on a dans la conscience des gens, on a une accumulation de plus en plus de mécontentement sur la situation et plus en plus d'accumulation de la rage envers ce système et avec la misère qui est ou les conditions de vie qui n'améliorent pas ou même se détériorent. Et comme on le voit actuellement dans toutes ces luttes, parfois, si pendant longtemps cette rage s'est accumulée, il suffit juste une petite attaque qui, prise de manière isolée, ne provoquerait jamais une une grande éruption, mais dans cette situation, avec beaucoup d'accumulation de rage, ça provoque tout un mouvement spontané, tout un saut dans la conscience des gens. Et comme j'ai déjà dit, on va sûrement encore en discuter dans les perspectives mondiales, parce que c'est exactement ce que nous voyons, c'est ça la base pour tous ces mouvements. Et ces mouvements spontanés, ils vont avoir lieu si on le veut ou pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut planifier comme organisation marxiste révolutionnaire. On se dit qu'on va... On va planifier le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces mouvements spontanés des masses sont le résultat des conditions objectives qui changent. C'est ça ce qui provoque la résistance. Et si on comprend justement, si on comprend le système capitaliste, on voit qu'il doit avoir des mouvements comme ça. Et nous, on sait que la perspective doit être que dans le futur, ça va continuer. Il va y avoir plus de mouvements plus ou moins spontanés comme on les voit actuellement. Pour les marxistes, quelque chose de très important pour le développement de la conscience, c'est que les masses du prolétariat apprennent pendant ces luttes. Terzou l'a déjà dit dans son introduction qu'on a l'impression que pendant cette phase, il se passe plus que pendant 10 ans de temps normal. Je pense qu'on l'a également déjà constaté par exemple dans le mouvement de Gilets jaunes, comment la conscience se développe très très vite quand les masses entrent sur le terrain, commence à s'activer et se politiser pendant longtemps, même pendant des décennies pour certaines personnes. Leur conscience n'a pas vraiment fait des progrès, on peut dire, mais quand ils commencent à lutter, on apprend plus rapidement que pendant toute une vie. Et c'est certainement le cas pour toutes les luttes, mais encore beaucoup plus pour des situations révolutionnaires où il y a vraiment un grand changement dans la société. C'est également pour cette raison que Marx disait dans l'idéologie allemande qu'on ne peut pas, ou que la conscience communiste, finalement, elle se crée pendant le processus de la révolution même. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important à comprendre. On ne peut pas croire que la conscience révolutionnaire de la classe ouvrière, c'est quelque chose qu'on peut créer avant la révolution, en lisant beaucoup de livres ou en éduquant les masses en tant que parti marxiste. C'est pas comme ça que ça se passe. La conscience révolutionnaire communiste à grande échelle des masses, elle se crée dans le processus, dans la lutte même du prolétariat. Donc on peut se demander si ça c'est un processus automatique. Parce que comme moi je l'ai décrit, c'est qu'il y a des conditions objectives qui changent, qui provoquent des luttes, et dans les luttes, il y a la conscience qui émerge. Mais pour les marxistes, c'est clair que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas, le vrai marxisme s'oppose fondamentalement à cette forme de déterminisme. Si tel était le cas, si c'était si simple que ça, nous, on pouvait juste attendre à ce que les masses commencent à bouger et développent leur conscience révolutionnaire, fondent la révolution et tout est bon. Du coup, je pense que si tel était le cas, il n'y avait pas de raison d'être ici et de s'éduquer, de discuter sur de tels sujets. C'est vrai que les conditions objectives déterminent la conscience, mais comme on va le voir maintenant, une direction qui a déjà une conscience plus élevée que les masses peut et doit jouer un rôle décisif dans ce processus. Les masses apprennent par l'expérience, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les masses ne peuvent pas faire toutes les expériences pendant la lutte même, pendant une révolution. Pourquoi pas? Finalement, surtout parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps. Des situations de lutte ou des situations révolutionnaires, ce sont par définition des temps courts qui ne peuvent pas durer éternellement. Et dans cette lutte, on est confronté, le prolétariat est confronté à des adversaires très, très puissants, notamment l'État bourgeois, qui veut tuer des mouvements révolutionnaires. Et de l'autre côté, il est confronté à toutes les idées bourgeoises ou petites bourgeoises ou réformistes. Donc, il y a cette opposition, les masses commencent à développer une conscience, mais il y a ces facteurs qui essayent de freiner ce développement et même de le tuer finalement. Et c'est exactement pour cette raison, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, qu'il faut une direction, qu'il faut un parti révolutionnaire et marxiste. Et ce parti ne peut pas être créé dans la situation même, dans la chaleur des événements par les masses et elles-mêmes. Il faut le créer avant. Et c'est toute l'histoire du prolétariat a montré ça, que ce n'est pas possible de construire un parti révolutionnaire directement dans une situation révolutionnaire. Est-ce que ça contredit à ce que je disais avant, notamment qu'on ne peut pas planifier un mouvement de masse, on ne peut pas le construire avant? Et la réponse est oui ou non. C'est vrai qu'on ne peut pas construire le mouvement même, le mouvement de masse, mais il y a la nécessité de construire un parti, de construire une organisation avec des marxistes bien éduqués, un parti de cadre qui sait agir dans une telle situation et qui dans une situation révolutionnaire, peut diriger l'énergie des masses. Oui, comme j'ai déjà dit, je pense que l'élément le plus important dans cette explication, c'est que ces situations de lutte ne peuvent pas durer éternellement. C'est soit on perd, soit on gagne, et ça veut dire que avec la défaite, c'est la classe dominante, la classe bourgeoise qui revient au pouvoir dans des situations extrêmement tendues. Et si on regarde l'histoire du mouvement prolétaire, on voit également que ces défaites peuvent être extrêmement, extrêmement dures. Pas seulement parce qu'ils ont un effet très, très dur sur la morale de lutte des travailleurs, mais également parce que après plein de situations révolutionnaires, on a vu la contre-révolution ou la terreur de la bourgeoisie qui pour tuer les mouvements. Je pense qu'il y a plein d'exemples dans l'histoire qui démontrent ça. C'est pas le cas après chaque défaite, mais finalement, ça c'est la raison pourquoi on a vu l'émergence du fascisme. C'est la réponse à la contre-révolution aux mouvements révolutionnaires qui ont échoué parce qu'il n'y avait pas dans la situation la bonne direction révolutionnaire. Donc il faut, dans ces situations, il faut un parti centralisé, discipliné, avec des cadres bien éduqués, qui étudient les luttes du passé. Et dans cette description, il y a ce terme du parti comme mémoire de la classe ouvrière. Je pense que c'est un terme extrêmement important parce qu'il montre que les masses font leurs propres expériences, mais ils les font de nouveau, à nouveau, à nouveau, dans toutes les luttes. Et pour accélérer ce processus, il faut réunir toutes les expériences du mouvement ouvrier pour donner une direction et pour ne pas faire toutes les erreurs, ne pas répéter toutes les erreurs dans les luttes. J'aimerais montrer cette unité nécessaire entre la spontanéité des masses et la nécessité de direction avec une autre citation de Trotsky qui est, à mon avis, le meilleur résumé. Il dit dans l'introduction ou le préface de son histoire de la Révolution russe, « Sans une organisation dirigeante, l'énergie des masses se volatiliserait comme de la vapeur non enfermée dans un cylindre à piston. Cependant, le mouvement ne vient ni du cylindre ni du piston, mais de la vapeur. » Je pense que c'est une image extrêmement puissante qui montre que toute l'énergie vient de la spontanéité du mouvement de masse, mais toute cette énergie va se perdre s'il n'y a pas de direction qui arrive à bien canaliser, qui arrive à donner de la forme à cette énergie et de la diriger finalement la diriger à la prise du pouvoir du prolétariat. Cette nécessité du parti marxiste, on le voit confirmé dans l'histoire, dans toutes les situations révolutionnaires, mais dans la plupart des cas, on le voit confirmé de manière négative avec l'absence de parti révolutionnaire où on a un échec du mouvement. Je pense que le meilleur exemple pour le contraire, un exemple positif, c'est l'exemple des bolcheviks en Russie où ils ont réussi à faire la révolution et où cette unité entre le mouvement de masse, entre le prolétariat et également les paysans et la direction bolchevique, la direction marxiste s'est réalisée. Souvent, les bolcheviks sont décrits comme des putschistes, comme un petit groupe, un parti qui a pris le pouvoir sans aucune base, qui a juste pris le pouvoir de l'État. Mais justement, c'est important de comprendre ce que je disais avant. Les bolcheviks n'ont pas créé, ils n'ont pas construit le mouvement de la révolution. Ils n'ont pas juste fait eux-mêmes la révolution. Les soviets, les conseils des paysans et des ouvrières, ce n'est pas les bolcheviks qui ont construit ces conseils, qui ont construit les soviets. Ça, c'est en fait un produit du mouvement de masse de la propre révolution. Et quel est le rapport entre les bolcheviks, le parti bolchevique et ce mouvement de masse qui a pris la forme d'un mouvement de conseil? Au début du mouvement, avec la révolution de février, les bolcheviks, ils étaient encore minoritaires. Donc on ne peut pas dire que c'est eux qui ont construit ce mouvement, mais ils sont entrés dans ce mouvement. Ils ont donné une perspective, ils ont lutté pour les idées en montrant quelle est la situation, quel est le caractère de la révolution et que pour avoir du succès, le mouvement doit prendre tout le pouvoir dans les mains du soviet. Donc, en d'autres termes, il faut éliminer le pouvoir bourgeois et donner tout le pouvoir au soviet. Et ces idées, au début, ils étaient minoritaires, mais dans le processus de la révolution, dans les mois après février, peu à peu, les bolcheviks ont gagné les masses pour ces idées. Donc, à mon avis, ça c'est le meilleur exemple pour montrer ce rapport entre le parti qui veut donner une direction, qui a les bonnes idées, et les masses. Les masses prolétaires n'étais pas juste convaincu dès le début de la perspective du programme des bolcheviks, mais ils ont vu dans la pratique que les directions qui existaient avant, qui étaient dominants avant, les réformistes mencheviks et les social-révolutionnaires, n'ont pas réussi à réaliser les besoins des masses, le programme que le prolétariat et les paysans nécessitaient pour satisfaire leurs besoins. Donc, en résumé, le mouvement révolutionnaire, c'est donc l'unité entre cette initiative, cette énergie, cette spontanéité des masses et la direction révolutionnaire marxiste. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de révolution qui peut avoir du succès. La spontanéité, donc, c'est un potentiel de la révolution, mais qui peut uniquement être réalisé avec la direction. Mais cette unité, c'est une unité contradictoire. On ne doit pas s'imaginer ce développement comme ça, qu'on a juste les conditions objectives qui changent et qu'à un certain moment provoquent des mouvements révolutionnaires. Et de l'autre côté, séparé de tout ça, il y a un parti marxiste qui séduque dans la théorie marxiste, qui veut être la direction, et dans la situation révolutionnaire, les deux viennent s'unir pour faire la révolution. Le parti révolutionnaire doit se créer dans la lutte de classe. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une certaine distance entre le parti révolutionnaire et le mouvement de classe, mais on ne peut pas construire une direction marxiste, un parti révolutionnaire, si on ne lutte pas dans les mouvements pour les idées correctes, si on ne teste pas les idées, si on ne fait pas d'expérience dans les luttes. Ça, c'est également l'histoire du parti bolchevique qui a lutté pendant des décennies, qui a participé dans tous les mouvements, qui a essayé de donner une direction, qui a lutté contre les directions, contre les autres idées mencheviques et social-révolutionnaires. Donc ce processus de révolution, c'est ni quelque chose de graduel où peu à peu les masses gagnent de la conscience et le parti révolutionnaire grandit, ni c'est juste une explosion pendant un moment donné, mais c'est tout un processus où le parti marxiste doit se construire dans les luttes qui existent déjà pour développer ses outils, ses méthodes, mais après il y a des situations décisives, des mouvements plus grands qui sont justement décisifs pour le développement de la révolution. Donc les marxistes sont une partie du mouvement prolétaire lui-même. En fait, c'est la partie la plus avancée, la plus consciente, comme c'est déjà montré dans le manifeste du Parti communiste. Les marxistes, ils tentent toujours à dépasser les particularismes du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours mettre toutes les luttes partielles dans un contexte plus large et montrer que une lutte partielle, une lutte économique dans une entreprise, par exemple, finalement ne change rien aux conditions si elle n'arrive pas à dépasser la lutte économique à ce stade, si elle n'arrive pas à passer au niveau politique et finalement, en dernier lieu, à la prise du pouvoir. Donc, les marxistes dépassent d'un côté les luttes partielles, ils dépassent les particularismes, et de l'autre côté, ils représentent le mouvement dans son ensemble, ça veut dire pas dans une phase actuelle ou la phase telle qu'elle est maintenant, mais ils représentent également les intérêts du prolétariat de demain, dans tout ce processus qui mène à la prise de pouvoir du prolétariat. Et ces étapes, ou ce que je viens de décrire, de dépasser les particularismes, et que c'est finalement un processus, ce sont en effet les étapes de la prise de conscience et de l'unification du prolétariat lui-même. Le prolétariat ne commence pas avec une conscience directement révolutionnaire, mais comme j'ai déjà dit avant, c'est qu'au début, on a une conscience plutôt isolée, individualiste, réformiste. Mais si on se considère comme individu, on voit qu'on ne peut rien changer de fondamental dans ce système, mais il y a des luttes qui te poussent. Par exemple, dans une entreprise, si tu n'es pas content avec ton salaire, tu commences à lutter, et dans ce processus, tu vois que tu as les mêmes intérêts que les autres travailleurs dans l'entreprise. Et comme ça, une unité, une conscience commence à se développer. Et la conscience de classe ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas à l'entreprise elle-même, elle ne s'arrête pas non plus à un secteur industriel, mais elle doit se dépasser ses particularismes pour devenir une conscience de classe qui est par essence politique. Ça veut dire qu'il ne faut pas se considérer ou se comprendre comme juste un individu, ni juste un travailleur d'une entreprise ou d'un secteur, mais comme une force de classe où toute la classe a les mêmes intérêts. Et à ce niveau-là, ça devient politique parce qu'on commence à défendre les intérêts de toute une classe entière contre l'État bourgeois et contre la classe de la bourgeoisie. Et là aussi, on peut dire qu'on peut encore distinguer entre deux étapes différentes. Dans une première étape, cette conscience de classe, ça veut dire de défendre les intérêts de la classe, mais en voulant une égalité avec la bourgeoisie. Donc ça reste dans un cadre réformiste. On commence à demander de la bourgeoisie le droit à la codécision, par exemple. On veut l'égalité, on veut être à pied égal avec la bourgeoisie. Donc ça reste justement dans le cadre. L'étape supérieure serait de dépasser également ce stade et de dire que le prolétariat lui-même peut diriger la société, peut s'émanciper et finalement prendre le pouvoir dans l'État et dans les usines. Ça, c'est un peu l'exemple type que, comme moi je l'ai montré, qui va de l'individu, de l'entreprise jusqu'à l'État et la prise du pouvoir. Et ça veut dire de l'économique au politique. Mais c'est clair que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. On voit actuellement que beaucoup de luttes ne commencent pas dans l'entreprise, ils commencent plutôt à un niveau directement politique. Ils commencent avec un rejet de toute la politique d'un gouvernement, par exemple. Mais pour les marxistes, ça n'empêche pas qu'il faut le tout, il faut le processus. Et c'est pour ces raisons que dans ces mouvements, nous, on insiste toujours que ces mouvements peuvent uniquement avoir du succès si on arrive à les ancrer dans les entreprises, dans la classe ouvrière. Donc peu importe si ça commence dans une lutte économique et si nous on montre qu'il faut généraliser le mouvement, il faut aller vers le niveau politique, ou ça commence au niveau politique et il faut ancrer le mouvement dans les entreprises ou les... Oui, dans les luttes économiques. Pour nous, peu importe, pour nous, ce qui est important, c'est de représenter, de voir le tout de ce processus. Finalement, ça, c'est exactement ce que dit le manifeste du Parti communiste. Et Lénine, lui, il a très bien compris que pour faire ça, il te faut un parti révolutionnaire qui sait défendre ses idées, qui sait pousser le niveau à les luttes à un niveau supérieur. Pourquoi c'est tellement nécessaire? Parce que dans ces luttes, justement, c'est une lutte autour de la direction où il y a d'autres idées qui sont présentes. Ce n'est pas juste les marxistes qui sont conscients que le mouvement doit se généraliser, doit aller à un niveau supérieur, mais il y a également des idées réformistes. Et Lénine le décrit très bien dans son ouvrage « Que faire ?» que les réformistes, finalement, veulent toujours rester dans cette phase de lutte immédiate pour ne pas passer au niveau supérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire de bloquer le processus de développement de la conscience. Ça veut dire de freiner le mouvement de la classe, de le laisser dans l'étape actuelle et d'éviter du coup que le mouvement se généralise et se politise pour vraiment faire de la concurrence à la classe bourgeoise. Et ça, c'est exactement ce qui correspond à la logique bourgeoise, aux nécessités de la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle essaie toujours de diviser le mouvement et de le laisser dans cette phase purement économique pour éviter que ça devienne un mouvement politique qui peut vraiment mettre en danger toute la politique de la bourgeoisie. Donc, je dois arriver gentiment à la conclusion, même si je n'ai pas réussi à dire tout ce que je voulais. Mais juste pour revenir à comment j'ai ouvert cette discussion, je pense que c'est assez clair qu'on vit dans une phase, actuellement, on vit dans une phase extrêmement turbulente où le fondement de cette phase, c'est la crise du capital. La crise du capitalisme. On voit que ce système est dans un impasse et que la politique bourgeoise, ou en général les bourgeois, ils n'ont pas de solution à cette crise qui ne veut pas dire attaquer plus et plus la classe ouvrière. Ça, c'est ce qu'on voit actuellement et c'est clair que ça provoque de plus en plus de résistance. À nous, ça nous montre qu'il y a ces mouvements qui vont venir de plus en plus. Et le problème, du coup, ce ne sont pas les masses qui sont passives et qui ne veulent pas bouger, comme nous disent les réformistes, parce que les masses sont bien présentes et elles vont être présentes dans les luttes qui vont venir. Les masses ne sont pas le problème. C'est un problème de la direction et des idées et des perspectives de la direction. Pour nous, c'est clair que où il doit être clair que tous ces mouvements qui sont déjà là et qui vont venir encore ne peuvent pas avoir du succès, au moins pas à moyen ou à long terme, sans une direction marxiste. Du coup, on voit un énorme décalage entre la réalité telle qu'elle est maintenant et la taille des forces marxistes. Parce que si on regarde dans tous ces mouvements, on voit nos propres forces, on voit les forces de marxisme, et on voit que nous, on est juste incapable de vraiment intervenir, de bien intervenir, et de donner la direction à ces mouvements tels qu'ils le nécessitent. Pour nous, ça ne doit pas nous décourager, justement parce qu'on sait que ces mouvements ne peuvent uniquement avoir du succès quand ils sont une direction marxiste. Pour nous, ça doit vouloir dire qu'il faut construire ces forces marxistes. C'est exactement pour ces raisons qu'on est ici, c'est exactement pour ces raisons qu'on mène toutes ces discussions, on se forme, on s'éduque dans les luttes de passé, on s'éduque dans la théorie pour construire, pour élaborer des perspectives. On sait que le chemin il est encore extrêmement long, mais il faut construire ses forces, il faut intervenir dans les luttes telles qu'elles existent déjà, il faut grandir, il faut gagner de l'expérience en élaborant nos perspectives, et comme ça, on peut grandir et finalement donner la direction à cette révolution tellement nécessaire.